Oui, alors, effectivement, j'étais à Montbéliard à ce moment-là. J'ai vécu à Montbéliard de 70 à 80, en travaillant un an chez Peugeot, 3 ans dans 3-4 ans dans d'autres boîtes, en faisant d'autres choses. À ce moment-là, au moment où Gatti était là, j'étais ouvrier dans une imprimerie de Montbéliard et étudiant aussi par téléenseignement à Besançon. Je n'étais plus militant, j'étais Mao aussi, donc je me suis dissous après l'IP avec le RES à la gauche prolétarienne, donc j'étais un individu libre. Ce qui se passe, c'est que je connaissais beaucoup des gens qui ont tourné avec Gatti, en particulier chez les Marocains, chez les Yougoslaves, Christian Tchirakadze, etc. Ce dont je peux témoigner, finalement, c'est de la singularité de l'intervention de Gatti dans Montbéliard. Parce que Montbéliard, je suis d'accord avec Nicolas, c'est vraiment une affaire de rencontres, mais des rencontres, il y en a eu beaucoup. Et à ce moment-là, c'est à la fois un moment et un lieu. C'est ce moment-là, d'après 68, où d'ailleurs il y a eu des films ouvriers. Il y a eu des films où tous les ouvriers étaient derrière la caméra de Super 8, etc. Et une partie des films sur mai-juin 68 à Sochaux sont des films d'ouvriers. Mais donc il y a le lieu Montbéliard. Je suis content du titre de Nicolas, Montbéliard, Peugéliard, quoi, d'une certaine manière. Il y avait quelque chose de très fort là. Et il y a eu plusieurs rencontres. Et des rencontres aussi fortes que toutes les autres. L'animation culturelle dont Stéphane parlait, débarquait dans les quartiers, allait dans la rue aussi, et faisait faire du théâtre à des jeunes. Et alors, moi, j'en ai connu des jeunes de la Chiffogne, qui est un quartier ouvrier de Montbéliard, etc. J'en ai connu plusieurs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a... C'était des jeunes enfants d'ouvriers, ouvriers eux-mêmes. Et par exemple, ce que demandaient les animateurs culturels, c'était par exemple, mais parlez de vous, parlez de la vie dans la cité, parlez de la vie ouvrière, de Peugeot, etc. Et au bout de quelques temps, ils en ont eu marre, ils ont dit, on en a ras-le-bol de parler de cette vie, de notre vie, etc. On veut faire autre chose, on veut faire avec toi, on veut faire du théâtre. On veut faire des pièces de théâtre, etc. Et certains ont commencé à faire des pièces de théâtre. Et je suis toujours en contact avec Guitou, qui était un ouvrier qui avait les cheveux longs comme ça en 69-70 et qui s'est fait raser dans sa petite boîte à côté de Peugeot, juste à côté de Peugeot, pas chez Peugeot. Il s'est fait raser par les ouvriers qui ne supportaient pas ce gars avec des cheveux longs. Et Guitou est devenu un comédien, et toujours aujourd'hui un comédien. Professionnel. Donc ça a été une des formes de la rencontre. Ils jouent évidemment bien autre chose que du théâtre ouvrier. Les groupes Medvedkin, bien entendu, ils avaient l'entrée syndicale, l'entrée CGT, etc. Mais pour tous ceux qui ont participé au groupe Medvedkin, il y avait la même question, est-ce que c'était du cinéma fait par les ouvriers? La même question était là, et quand on écoute Bruno Muel raconter les débuts de ça, c'est... De sa part, il y a vraiment eu une rencontre et l'impression qu'il a eue que les ouvriers pouvaient prendre la caméra. Il y croyait à ça, que les ouvriers prennent. Et les ouvriers ne prennent pas plus la caméra. Ils y croient aussi. Mais ils y croient aussi, bien sûr. Oui. Non seulement ils y croient aussi, c'est qu'ils essayent de faire carrière, d'en faire leur métier, quoi, après. Et après avoir joué. Et c'est, évidemment, ils n'arrivent pas à en faire leur métier, ça donne des choses... des épisodes assez traumatiques pour certains. Mais je pense à un ami avec qui j'avais travaillé chez Peugeot, qui était Jean-Claude Bourgon et Di Piplette, qui, après Peugeot, a travaillé dans d'autres usines, dans les bénisteries, etc., et a fini sa vie de prolétaire, si on peut encore dire ça, comme gardien d'un foyer d'Algériens. Et il a filmé. Il a pris la vidéo, il a filmé, il a filmé la mémoire de ces ouvriers algériens, leur vie en France, alors que la famille persistait à être en Algérie et eux persistaient à être en France, etc. Donc il a gardé il a tenu et gardé la caméra jusqu'au bout. Il a fait des films jusqu'au bout. Et Gatti, alors, Gatti dans ce paysage, moi j'ai vu l'enthousiasme de mes amis dans la participation à Gatti. C'était. Et j'ai même assisté, je suis désolé, je ne me rappelle pas de Stéphane du tout, et Stéphane ne se rappelle forcément pas de moi, mais je suis venu au Mall plusieurs fois. C'était un tournage ouvert, on pouvait venir, on pouvait sortir, on pouvait venir. Et je suis venu plusieurs fois parce que j'étais fasciné par ce truc que faisait Gatti. Et il a été le seul à faire ça, c'est-à-dire à révéler les cultures qui étaient là. Et la diversité des cultures, sous leur forme extrêmement variée, puisque par exemple Christian Tiracadze, il a jamais été ouvrier. Enfin bon, quand il est filmé, il est effectivement dans le musée de Montbéliard, c'est pas un ouvrier, mais ses parents étaient ouvriers, faisaient partie de ces multiples communautés qui avaient débarqué chez Peugeot, embauchées par Peugeot dans les années 20, à la fin des années 20, au moment du grand démarrage de Peugeot. Et là aussi, ça. Et donc, l'effet de Gatti, où il n'y avait pas effectivement de film français, moi j'en témoigne de l'extérieur, comme quelque chose qui était justement qui faisait apparaître cette variété de communautés, et qui donc était à l'encontre, effectivement, du discours habituel sur l'ouvrier, quoi, l'ouvrier Peugeot. Donc, c'était une des formes de cette rencontre. Une des formes de cette rencontre, parmi les plus fortes, justement parce qu'elle était très colorée, elle était très, très variée, très diverse, et vraiment aussi l'expression de liberté, d'une poésie spontanée des gens qui n'avaient pas d'autre lieu pour la manifester. Voilà ce que je peux dire sur la particularité de l'apparition des films de Gatti dans ce paysage. Juste un petit point, parce que c'est une question qui s'est posée à Montbéliard, et comme on est un peu maximaliste, qui s'est posée depuis 20 ans à nous, c'est que effectivement on travaille souvent tout le temps avec des non-professionnels, avec des loulous, etc., sur des expériences au long terme, où on travaille beaucoup plus avec eux. Ils sont avec nous, ils participent à la création théâtrale, ils jouent et c'est un spectacle à la fin. Et donc c'est une question par rapport aux gens qui veulent devenir caméraman, etc. C'est vrai qu'à Montbéliard, on a été un peu faible parce que les trois qui avaient porté des films, on leur a dit « écrivez un projet, c'est sûr que Ursel va l'accepter ». Donc ils ont écrit des projets et Ursel, une fois qu'on était parti, leur a dit « c'est pas la peine ». Et donc... Et c'est une chose qui ne s'est jamais reproduite dans nos rapports avec les gens, c'est-à-dire tous les loulous qui participent au travail, tous ceux, on leur dit, voilà, on va travailler, ça va être formidable, mais surtout ne pensez pas qu'après vous allez être comédien ou faire du théâtre ou quoi que ce soit de ce genre. On fait un trajet ensemble, mais après d'ailleurs, se organiser pour qu'il y ait un stage de réinsertion, pour qu'ils choisissent réellement un métier, mais c'est un truc très important qui ne se laisse pas griser par le fait que ça peut devenir quelque chose, un devenir professionnel. Parce qu'effectivement, quand on a fait, par exemple, les Empereurs aux Embelletoués, quand les mômes voient arriver toute la presse nationale pour se battre pour les interviewer, quand au bout d'un mois, ils nous regardaient en disant « ça y est, c'est bon, on est sortis de l'anonymat ». Effectivement, ça passait tout le temps à la télé, etc. Et donc... Mais en même temps, le travail fait que eux aussi, comme c'est toujours un peu compliqué de travailler avec Gatti, quand à la rentrée suivante à Avignon, il y a une journaliste de Télérama qui est venue là-bas et qui a posé la question « Alors, qu'est-ce qui fait Gatti pour vous maintenant que c'est fini ?» C'est bon, une gentillesse, mais je pense que c'est quelqu'un de brave, je ne dirais pas son nom aujourd'hui. Et donc, elle commence à les prendre un par un. Alors elle en prend un, elle en prend un deuxième, et le troisième jour, elle voit tout le groupe arriver en disant « on ne comprend pas ce que vous cherchez là ». Alors, vous posez les questions à tout le monde, c'est l'objet d'un débat, mais vous n'allez pas nous prendre chacun dans notre coin pour dégoiser des trucs, parce qu'effectivement, c'est fini, on est triste, il y a un peu d'amertume, mais si votre entreprise, c'est pour liquider ce qui s'est passé pendant l'année dernière, on arrête tout de suite ». Et donc elle est repartie. Non, ce que je veux dire par là, c'est un engagement. C'est la coupure technique qu'on a mis en place à Montbéliard en disant, voilà, c'est vous, la participation, le contenu, etc. Nous, c'est la technique. C'est quelque chose qu'on a continuer dans le théâtre. Et en tant que comédien, ils étaient parfaits. C'est-à-dire, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous les ont vus, ils sont magnifiques. Donc, c'est un danger. C'est un danger quand on fait ce type de création, de tout d'un coup l'enfermer dans cette sorte d'illusion de que c'est un devenir professionnel possible. Nicolas avait l'air de vouloir réagir à ce que tu disais déjà.